baby, fais-moi signe. Si toi aussi tu réfléchis comme moi, en amour comme en business, baby, dis-moi si t'es capable d'aller jusqu'au bout pour moi. On connaît l'argent, on connaît les fantasmes, on connaît l'amour et les bons avocats. Dégainer l'anneau, pour signer les contrats. Tu veux des cadeaux, je passe coup de fil au comptable. Pas facile à manier, tu connais, je suis ça comme. Non, y'a pas de manière, j'ai capté, je suis ça comme.